Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la beauté dans tous ses états. Pour être parfaite et absolue en beauté, une femme doit avoir trois choses blanches, la peau, les dents et les mains, trois noires, les yeux, les sourcils et les paupières. Qu'est-ce que la beauté? Quels critères définissent la beauté? Comment évoluent ces critères au fil du temps? Y a-t-il des attributs qui, peu importe l'époque, provoquent l'attirance ou alors la répulsion? Comment se compare la beauté féminine à la beauté masculine? Comment se compare la beauté physique à la beauté intérieure? Aujourd'hui, l'histoire, une histoire de la beauté. Georges Vigarello, historien, philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié, Monsieur Vigarello, il y a quelques années, une histoire de la beauté. Vous avez en fait beaucoup écrit sur le corps, sur la beauté. Pourquoi? Pourquoi cette fascination pour la beauté, pour le corps dans son ensemble? Alors écoutez, il y a une limite au pourquoi. Cette limite, elle est de type psychologique. Et sans doute mon inconscient est-il présent. Ouais. Et je ne peux pas l'évaluer. Ce que je peux dire, en revanche, au niveau conscient, c'est que il me semble que le thème du corps, le thème de l'apparence, les problèmes de la séduction à partir de cette apparence sont devenus extrêmement importants. Non pas qu'ils aient été absents dans les périodes précédentes, mais ils sont quand même extrêmement présents dans nos sociétés. Les écrans accentuent, vous voyez, ouais, ce type de repères. On est presque dans l'obsession. On est presque, oui, on peut dire ça. On y reviendra d'ailleurs, parce qu'on va faire avec vous un petit peu au fil de cette émission. On est presque dans une insistance qui est quand même extrêmement présente, en tout cas, on pourrait presque dire envahissante. Ouais. Ça commence quand, cette notion même de la beauté? Oui, alors si vous me posez la question comme ça, ça commence très tôt. Oui. Ça commence très tôt. Je pense que c'est déjà tout à fait sensible chez les Égyptiens. C'est évidemment très sensible chez les Grecs. On voit bien comment la statuaire grecque est une magnifique représentation de critères qui sont des critères esthétiques. Et les Grecs y ajoutent quelque chose que je trouve très important, c'est qu'ils théorisent. Les Grecs, ils pensent que il y a quelque chose qui est de l'ordre, disons, du chiffre possible. Vous voyez que il y a une proportion. Voilà, il y a une proportion à respecter. Oui. Et je pense que cette question de la proportion, elle traverse finalement le temps. Donc la beauté, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, vous avez des critères qui, dans une certaine mesure, en tout cas pour les Européens, traversent le temps. Oui. Symétrie, proportion. Au fond, harmonie entre les parties, les unes par rapport aux autres, ça traverse le temps. Et puis ensuite, pourquoi vous avez de l'histoire? Ben parce qu'il y a des façons différentes de présenter les repères dont je viens de parler. Et ça va évoluer au fil du temps, bien effectivement. Sûr, je vous propose de réentendre, mais en entier. On a entendu un tout petit extrait en début d'émission. On écoute l'entièreté de la chose. Et c'est les 30 choses, en fait, que doit posséder la femme parfaite. Texte lu par Céline Vallette en 1968. Un texte du Seigneur de Brantôme, qui aurait été écrit, on ne connaît pas la date précise. C'est en gros milieu du 16e siècle. Voilà. En gros. Donc oui. on écoute ces 30 choses si importantes. Absolument. Pour être parfaite et absolue en beauté, une femme doit avoir trois choses blanches. La peau, les dents et les mains. Trois noires. Les yeux, les sourcils et les paupières. Trois rouges. Les lèvres, les joues et les ongles. Trois longues. Le corps, les cheveux et les mains, trois courtes, les dents, les oreilles et les pieds, trois larges, la poitrine ou le sein, le front et l'entre-sourcil, trois étroites, la bouche, l'une et l'autre, la ceinture ou la taille et l'entrée du pied, trois grosses, le bras, la cuisse et le gros de la jambe, trois déliés, les doigts, les cheveux et les lèvres, trois petites, les tétins, le nez et la tête, soit 30 en tout. Alors, vous étiez très, très attentif, Georges Vigarello, en écoutant cette énumération. Ça nous dit quoi sur la beauté, sur l'image qu'on s'en fait? Ce texte est à la fois fascinant et en même temps représentatif d'une difficulté. Il est fascinant pourquoi? Parce qu'il essaie de traduire la beauté en termes de chiffres. Et on essaie d'objectiver la beauté. On essaie d'objectiver, absolument. On essaie d'objectiver ce qui échappe dans une certaine mesure. Et quand on regarde alors il y a deux choses qu'il faut dire aussitôt. Quand on regarde attentivement la façon dont les données sont objectivées, on voit bien qu'elles fuient en même temps. L'objectivation est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire large? Qu'est-ce que ça veut dire long? Et en revanche, il y a des repères qui sont des repères datés. et que je trouve tout aussi intéressant. Pourquoi les yeux noirs? Pourquoi la cuisse ronde et large? Voyez? Pourquoi la taille fine? Mm-hmm. On voit très bien que dans les périodes anciennes, je reviens à ce que je voulais dire, vous avez à la fois la tentative d'objectiver, vous avez de manière implicite la reconnaissance que c'est quasi difficile, voire impossible. Et en même temps, vous avez la tentative de donner des repères qui ne sont pas les nôtres. Et c'est en cela qu'il y a de l'histoire. Vous voyez ? Alors en quoi ces repères ne sont pas les nôtres ? Eh bien, je reviens sur la question des yeux, je reviens sur la question des cheveux, pourquoi les cheveux longs, etc. Et je reviens aussi sur la question de la cuisse que je trouve très intéressante. Parce que il y a une tolérance, finalement, dans le corps féminin, dans les périodes précédentes, il y a une tolérance à certaines épaisseurs, à certaines, au fond, effervescences de la chair. Et en revanche, il y a une grande insistance sur la minceur. Pourquoi ? Parce que la femme doit quand même traduire quelque chose qui est de l'ordre du fragile, quelque chose qui est de l'ordre du vulnérable, vous voyez ? C'est pas la minceur d'aujourd'hui. C'est une minceur qui est celle de la tradition et qui traduit finalement une féminité qui doit être une féminité dominée et qui doit être une féminité de tendresse au fond molle, vous voyez ? Et en même temps, c'est fin. Donc c'est magnifique comme repère et évidemment très très difficile à objectiver. Ouais. Autre extrait qui va, je pense, vous faire plaisir parce qu'il est très, très porteur de réflexion. On dit toujours, hein, l'expression « le vœu, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde ». Extrait du film de Bertrand Blier, « Trop belle pour toi », qui date de 1989, qui met, vous en souvenez, Georges Vigarello en vedette, entre autres, Gérard Depardieu et Josiane Balasco. Il y a quand même des salauds. Abandonner une femme comme ça. Peut-être qu'il la trouve trop belle. Comment ça, trop belle? Enfin, je veux dire, trop sublime, trop idéale. À quoi veux-tu rêver quand tu vis avec une telle merveille? T'as tout. Qu'est-ce qui te reste à espérer? Rien. Mourir. Alors ça, c'est fabuleux comme extrait, Monsieur Vigarello. Il y a un traité de philosophie à écrire juste là-dessus. Qu'est-ce que la beauté, la beauté, la perfection est-elle beauté? Notre rapport à la beauté, c'est extraordinaire, ce qu'on vient d'entendre. Non, vous avez raison, c'est un passage que je trouve absolument magnifique, mais autant que le précédent. Et en même temps, il est très différent. Ouais. C'est-à-dire que le précédent nous donne le sentiment que, au fond, il y a de l'objectif. Et que l'on ne peut pas y échapper. Dans l'extrait que nous venons d'entendre, on se situe au contraire du côté de celui qui regarde, du côté de celui qui apprécie, de celui qui au fond essaie d'évoquer sa propre émotion, vous voyez. Et donc c'est lui, bon, et c'est lui qui dit finalement ce qui est le plus souhaitable et le plus magnifique. Mais c'est pas l'objet magnifique qui parle, c'est la personne qui regarde. Ça, c'est absolument fondamental dans l'histoire de la beauté, parce que vous avez au fond, pour dire les choses vite et évidemment de façon caricaturale, vous avez deux grandes périodes. Vous avez une période où la beauté s'impose de l'extérieur parce que elle est absolument donnée comme quelque chose d'absolu. Et à ce moment-là, vous avez des images selon lesquelles cette beauté irradie, elle vient vous frapper, avec des métaphores sur la flèche, par exemple, avec des métaphores sur le trait, la balle, vous voyez, vous êtes saisi et vous ne pouvez pas absolument vous échapper. Elle s'impose, la beauté s'impose à nous, vous gagne. Voilà. Ouais. Il y a un absolu qui s'impose à vous et vous êtes totalement gagné, envahi. Ouais. Au contraire, dans les périodes contemporaines, ça commence d'ailleurs, pour dire les choses vite, ça commence en gros à la fin de deuxième moitié du 18e. Dans les périodes contemporaines, vous avez cette idée que c'est vous aussi qui participez, qui décidez. Et que dans ce cas, ça peut passer vraiment par votre propre sensibilité. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que c'est la beauté pour nous, pour celui qui regarde, comme vous le disiez? Là, il y a quelque chose, c'est très compliqué, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Chose qui est de l'ordre de l'insaisissable. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant dans la question du corps, je pense que dans la question du corps, il y a une partie qui est insaisissable. C'est pour ça que c'est tellement, je dirais, un lieu à la fois de recherche, d'interrogation. Il y a aussi de l'indescriptible, vous voyez ? Ouais. Alors, il y a ce passage merveilleux qui m'a toujours frappé personnellement, que je trouve très fort, de Saint-Preux dans le roman de Rousseau, vous savez, la nouvelle Héloïse. Saint-Preux commande à Julie, dont il est amoureuse et avec laquelle il ne peut pas se marier, pour des raisons sociales, etc., et il lui commande un portrait. Et Julie le fait faire le portrait par un peintre et l'envoie. Et Saint-Preux réagit. Et je trouve que sa réaction, elle est extrêmement moderne. Que dit-il ? Ben, il dit, voilà, le peintre a essayé de traduire ce que tu es. Dans une certaine mesure, il est largement parvenu. C'est toi, je te reconnais. Mm-hmm. Très bien. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à rendre ta chair telle qu'elle palpite, telle qu'elle existe. Mais ça, la peinture ne peut pas. Voilà. Mais ce qu'il a fait en plus, c'est pour moi beaucoup plus dommageable, si vous voulez, dit Saint-Preux. Ce qu'il a fait en plus, c'est qu'il a tenté de te faire répondre à l'attente de la symétrie. Donc, il a oublié de prendre en compte le fait que ton menton n'est pas tout à fait symétrique. Ouais. Il a oublié de représenter quand même ton grain de beauté ou la petite cicatrice qui est au-dessus de ta... Or, c'est ça qui me plaît. Alors, pourquoi ça me plaît ? Parce que c'est toi. Et vous voyez, aussitôt, le « c'est toi » renvoie à un individu, voilà, à nul autre, pareil. Et donc, à ce moment-là, vous êtes confronté à comment saisir quelque chose qui est unique et qui, parce que il est unique, ne peut pas être l'objet d'un mot qui lui est générique. Et là, on rejoint vraiment cet extrait qu'on entendait. C'est Depardieu qui aurait pu exactement dire la même chose. Exact. L'exotisme dans la beauté, quelle place il aura, cet exotisme? Extrait d'une entrevue accordée par Joséphine Baker à Fernand Seguin au Sel de la Semaine en 1968. Et c'est l'année suivante, en 26, que vous avez débuté aux Folies Bergères, oui, et cette fois-là, dans le costume de ceinture de balade. Exactement. Et les seins nus. Vous étiez, comme on dit maintenant, topless. Ah, topless. Oui. Less on the top and more on the bottom. Ah bon? Ben non, je chantais, je dansais des chansons, des danses, n'est-ce pas, qui présentaient la forêt. Ben, je ne voyais pas avec un manteau de fourrure en entrant en plein désert ou je ne sais où. Oh, non, c'était normal, ça. De reste, ça se fait. Oh, tout, aujourd'hui, les gens ne sont pas tellement droits sur les idées comme cela, parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, on ne peut pas trop s'habiller. Et je présentais une femme africaine que je suis d'origine, alors c'était normal. Alors, Joséphine Baker sera en France, Georges Vigarello, une figure importante de la beauté du début 20e siècle, l'exotisme avec elle qui arrive en France. Ah, vous avez tout à fait raison. C'est un excellent exemple parce que, en fait, d'abord, il répond, cet exemple, à des critères qui sont importants dans cette époque, disons des années 20, des années 30. C'est le critère d'un corps qui est extrêmement fin, qui renvoie quasiment à l'image de la liane. Et Joséphine Baker, de ce point de vue-là, répond parfaitement à cela. Mais Joséphine Baker, et c'est pour ça que l'exemple est intéressant, répond également à autre chose. C'est, au fond, l'entrée dans des repères qui commencent à être des repères mondialisés. Mmh. C'est-à-dire, finalement, accepter des critères qui ne sont pas forcément des critères européens, mais qui peuvent être des critères séduisants ou des critères auxquels on attribue de l'importance. Et de ce point de vue, incontestablement, la diversité est insensiblement plus acceptée, y compris la diversité culturelle. Recherchée même, travaillée, vous avez raison. Et quand on suit les magazines, malgré, bien sûr, le fait que des critères sont présentés comme absolument dominants et dans une certaine mesure parfois incontournables, malgré cela, vous avez l'entrée de repères qui commencent à être différents et autres, asiatiques, africains, etc. À quoi s'ajoute, bien entendu, qu'il y a dans la société européenne cette insistance sur l'individualité. À Londres, c'est terminé le match international de la beauté. 18 Miss, toutes nationales, représentant des pays aussi variés que l'Allemagne, Israël ou Ceylan, ont participé au désormais traditionnel défilé qui, s'il finit par être banal, n'en reste pas moins plein d'agréments. Le jury avait à faire face à une tâche difficile, en dépit de la plastique d'une Miss Allemagne atomique et des larmes d'une Miss Égypte catastrophée. La réopage ne devait avoir que 14 secondes d'hésitation avant d'élire la Française. À 18 ans, Denise Perrier, étudiante et lyonnaise, est proclamée Miss Monde. Et vous vous souvenez, Georges Vigarello, de cette Miss Monde, extrait de ce qu'on vient d'entendre d'un compte rendu du concours Miss Monde 1953. Quel rôle joueront les concours de beauté? Non, je m'en souviens très bien et j'ajouterais que le commentaire est absolument incomparable parce qu'il est en même temps assez national quand même, reconnaissons-le. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans cet objet, c'est plusieurs choses. Hein. C'est d'abord, vous voyez, la confirmation sur laquelle il y a un intérêt qui porte sur des beautés très différentes. Ouais. Mais à une deuxième donnée qui est souvent inaperçue alors qu'elle est extrêmement importante, c'est que on situe progressivement ce type de questions dans le cadre d'échanges qui sont des échanges internationaux, mais dans un cadre qui est autre et qui renvoie finalement au repère sportif. C'est-à-dire que la beauté, c'est un lieu de concurrence. Mm-hmm. C'est un lieu de comparaison, c'est un lieu de concurrence. Et donc, du coup, c'est un lieu de concours. Mais vous savez, ça n'apparaît qu'à partir du moment où les concours, le sport, les confrontations deviennent importantes. Donc, on voit bien, d'une part, je me résume, que l'intérêt commence à être attentif à la possible diversité. Premier point. Deuxième point, l'intérêt porte sur la tentative d'essayer de déceler le mieux à partir du concours. Mais avec un modèle assez standardisé. C'est ça que ça va faire. Mais oui, mais vous avez raison. Il reste quand même le fait que, il est, vous voyez, c'est ça. Il est difficile d'échapper au standard. Alors, quel est-il? Quand vous comparez les mensurations de ces misses dans le temps, que voyez-vous? Eh bien, vous voyez d'une part que la minceur s'impose progressivement, le fameux IMC, vous voyez, le rapport entre la taille et puis... L'indice de la masse corporelle. L'indice de masse corporelle et puis le problème du poids, si vous voulez. Vous voyez que cela va progressivement dans le sens d'une restriction, c'est-à-dire qu'il y a une minceur qui s'impose de plus en plus. Parfois vous avez des retours. Alors, par exemple, il y a un retour qui est assez curieux, qui peut-être est explicable, après la Deuxième Guerre mondiale. Sans doute parce qu'on devient plus attentif au fait de pouvoir s'alimenter, on devient plus attentif aussi au rôle d'une femme qui s'occupe des enfants. Donc il y a un peu un repère mammaire, si vous voulez, qui revient dans ces années 50, mais qui a ensuite est insensiblement abandonné pour laisser place à des repères de plus en plus liés à la minceur. C'est comme si vous me deviniez, Georges Vigarello, parce que évidemment cette figure, on ne peut pas y échapper quand on parle de beauté, au XXe siècle en tout cas, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Marilyn Monroe qui chante donc « Joyeux anniversaire » au président Kennedy à l'époque. Marilyn, femme imparfaite, femme plus ronde, femme à l'époque. On n'a qu'à voir les sessions de photos. Il y a eu des expositions encore récemment, Georges Vigarello. On ne retouchait pas. Il y avait évidemment pas de chirurgie plastique encore. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été si importante, qu'elle reste encore? Il y a une chanson au Québec, un chanteur, Luc de la Rochelière, qui disait « Tout le monde a une affiche de Marilyn Monroe ». Je crois que ce qu'il faut dire qui est important, c'est le fait que ces grandes actrices des années 50-60, je pense à Gina Lollobrigida, je pense à Sophia Loren, à Martine Carole, évidemment je pense à elle, Marilyn Monroe, ces artistes-là ont retrouvé quelque chose qui est de l'ordre du moelleux, de la chair. Vous voyez, je crois que c'est lié un peu à l'après-guerre. Qu'est-ce qu'ajoute, cela dit, Marilyn Monroe? C'est incontestablement une force considérable dans le mouvement. Et Marilyn Monroe arrive à créer une sorte de creux de l'espace, vous voyez, dans ses mouvements. Et là, elle est extraordinaire. Un peu comme si son corps fait naître quelque chose dans son bouger, dans sa présence. Dans sa sensualité, dans son expression. Alors, c'est peut-être ça qui est resté. Ce qui est resté, sa blondeur, oui, vous avez absolument Pourquoi raison. Pourquoi une telle fascination? Encore aujourd'hui. Non, vous avez raison. Alors, ce qui est resté aussi, et du coup, ça peut apparaître paradoxal par rapport à tout ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est que dans les repères masculins occidentaux, malgré les grands changements que le corps féminin a pu connaître, y compris dans sa minceur de plus en plus accentuée, dans les grands repères, je dirais quasi inconscients, de masculins occidentaux, il y a la préférence à une épaisseur de la chair. Une immense contradiction. Puisque d'un côté, la beauté passe par la minceur, et d'un autre côté, la sensibilité masculine accepte quelque chose qui est dans la rondeur. Ouais. Et elle accepte quelque chose de la rondeur, sans doute pour des questions qui sont érotiques. Plus il y a de chair, plus il y a de plaisir. Ouais. On termine cette émission avec, vous l'évoquiez au début, ce que devient la beauté, le commerce de la beauté, la tyrannie de la beauté, extrait d'un échange entre l'auteur Nelly Arcan, qui avait été invitée à l'émission Tout le monde en parle, avant qu'elle ne s'enlève la vie. Guy Lepage et Nelly Arcan, donc, qui parlent en 2007 du concept de Nelly Arcan de burqa de chair. La burqa de chair. Donc, ce sont des femmes qui sont complètement retravaillées par la chirurgie plastique, par l'entraînement physique, par tous les soins cosmétiques, etc. Donc, tout de leur corps devient sexe. Dans une société, on survalorise l'image. Plus les femmes vont être amenées à se dégoûter elles-mêmes. Parce que dans notre société de consommation, en fait, ce que ça dit, par exemple, par la chirurgie, par la cosmétique ou par tout ce qui fait que une femme va vouloir se transformer, ce que ça dit, c'est votre corps n'est pas suffisant en lui-même. Vous manquez de quelque chose. Ouais. Et quand on rentre dans cette escalade-là, là, on entre vraiment dans un univers de c'est l'enfer du narcissisme féminin. L'obsession de l'image de la beauté, Georges Vigarello, qui devient, dans certains cas, un véritable piège. Écoutez, là encore, passage fondamental. Passage fondamental. Alors, pourquoi ça devient un véritable piège? Bien, parce que c'est l'objet d'un marché. Vous voyez? C'est l'objet d'un marché avec le passage par, je dirais, des diktats, par de la publicité, le passage par l'insistance sur des images qui, cette fois, sont visibles sur l'écran, qui sont retouchées, etc. Et donc, c'est vrai qu'existe, j'espère, non pas pour l'ensemble du public féminin, mais pour une partie du public féminin, certes, existe le fait que c'est à la fois indispensable et en même temps c'est inatteignable. Mmh. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, parce que vous êtes toujours en distance, vous voyez, vous êtes toujours en distance par rapport à ce que vous souhaitez. Je pense que ça renvoie, évidemment, au paradoxe terrible qui est le fait de vivre dans un corps, qui ouais. ne peut jamais vous satisfaire. Mais la question ici, c'est qu'elle est aiguisée par de la publicité, par de l'attente, elle est aiguisée par une manière de porter, finalement, le vêtement, par une manière d'imposer des types de vêtements, et c'est clair que c'est curieux, mais on peut dire, alors évidemment le mot est un peu fort, mais on peut dire que c'est une des tragédies de notre temps. Mmh. Georges Vigarello, la beauté masculine, on n'en a pas parlé encore. Oui, alors non, c'est une question magnifique. C'est une question magnifique parce que à partir du moment où les rapports entre hommes et femmes changent, à partir du moment où la beauté féminine n'est plus un critère qui définit un sexe, dans la mesure où la femme se définit autant par la force aujourd'hui. Elle peut se définir par la résistance, elle peut se définir par des formes de ténacité qui ne sont pas nécessairement liées à de l'esthétique. Mmh. Donc le critère qui définit le féminin n'est plus le critère de la beauté. À partir de là, le critère qui définit le masculin traditionnellement qui est la force, n'est plus forcément la force, vous voyez. Et je crois que là, il y a un déplacement magnifique qui fait que la beauté peut autant être revendiquée par l'homme que par la femme aujourd'hui. Georges Vigarello, historien, philosophe, auteur de nombreux livres sur le corps. Votre plus récent ouvrage s'intitule « Le sentiment de soi, histoire de la perception du corps ». Merci beaucoup, Monsieur Vigarello. C'est moi qui vous remercie. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation de l'émission Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Daniel Foucard et Mathieu Arsenault, à la technique Steve Côté. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez nous suivre également et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire au singulier @radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine.